Bonsoir à toi, ami auditeur, et sois le bienvenu dans ce nouvel épisode d'Esprit Libre. Esprit Libre numéro 16. Comme d'habitude, de la bonne musique. Comme d'habitude, un mauvais animateur. Comme d'habitude, quelques extraits de films. On ne change pas les traditions. On va commencer cette partie, la première partie composée de 5 titres exactement. Avec, pour commencer, David Bowie, Let's Dance, Depeche Mode, I Feel You, The Cure, A Forest, Stevie Wonder avec Superstition, et enfin Donna Summer, I Feel Love, c'est la version longue. Je vous souhaite une très bonne soirée, merci d'écouter Esprit Libre. Choisir la vie, choisir un boulot, choisir une carrière, choisir une famille, choisir une putain de télé à la con, choisir des machines à laver, des bagnoles, des platines laser, des ouvre-boîtes électroniques. Dégage, man ! Choisir la santé, un faible taux de cholestérol et une bonne mutuelle. Choisir les prêts à taux fixe. Choisir son petit pavillon. Choisir ses amis. Choisir son survêt et le sac qui va avec. Choisir son canapé avec les deux fauteuils, le tout à crédit avec un choix de tissu de merde. Choisir de bricoler le dimanche matin en s'interrogeant sur le sens de sa vie. Choisir de s'affaler sur ce putain de canapé et se lobotomiser au jeu télé en se bourrant de McDo. Choisir de pourrir à l'hospice. Et de finir en se pissant dessus dans la misère, en réalisant qu'on fait honte aux enfants niqués de la tête qu'on a pondus pour qu'ils prennent leur lait. Choisir son avenir. Choisir la vie. Pourquoi je ferais une chose pareille ? J'ai choisi de pas choisir la vie. J'ai choisi autre chose. Les raisons ? Y a pas de raison. On n'a pas besoin de raison quand on a l'héroïne. We'll be right back.

Nous arrivons à la moitié de l'émission et je vous ai concocté la liste suivante. Billy Idol avec Right Reading, la partie 1 et 2. Un petit George Michael avec Freedom. New Order avec Blue Monday. Ensuite, un Simple Minds, Someone, Somewhere, In Summertime. Et enfin, un petit Iggy Pop avec Candy. Voilà, on continue tranquillement, donc reposez-vous, écoutez la musique d'esprit libre. Bon, qu'est-ce que c'est que cette urgence, mademoiselle ? Eh bien, c'est les Guilas, c'est un peu spécial. Bonjour. Bonjour, docteur. Merci, pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est copain ? Comment ça, copain ? Foutez-moi ! Oui, copain, c'est son nom. On l'appelait copain comme cochon. Mais pourquoi vous êtes venu ici ? Je ne fais pas les bêtes ! Vous avez été si gentil la dernière fois, docteur. Non, la dernière fois, je vous ai dépanné. Mais je ne suis pas vétérinaire. Essayez de comprendre ça, monsieur Guilin. Docteur, il fait de l'anémie. Il ne mange pas. Il fait de l'anémie ? Mais bouffez-le, moi, je ne sais pas quoi vous dire, mais bouffez-le ! Allez hop, mademoiselle, dehors, tout ça, hop, du balai qui bouffe leur cochon, vous avez entendu ? Bouffez-le ! Wedding. again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. What's your vice or wish? Who have you sold yourself to? Who have you sold your soul to? Hey, little sister shotgun, it's a nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. Hey, it's a nice day to start again. Dynamite. Safe in this world, and there's nothing sure in this world, and there's nothing pure in this world. Look for something left in this world. Start again. Come on, it's a nice day to start again. It's a nice day. I won't let you down.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine. L'émission touche à sa fin et pour terminer en beauté, le petit bonus de ce soir, c'est Gary Numan avec Metal. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. Bye! inside our life.